بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الرابع عشر في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام nous sommes au 14e cours dans l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre عمدة الأحكام. وقد وصلنا إلى الحديث التاسع. Nous sommes arrivés au 9e hadith. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Selon سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: Les gens ne cesseront d'être dans un bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Les gens ne cesseront d'être dans un bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. ولا خلاف بين العلماء في استحباب تعجيل الفطر كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. Il n'y a pas de divergence entre les savants concernant le caractère recommandé de l'empressement du fait de rompre le jeûne, comme l'a cité An-Nawawi dans le Sharh de Sahih Muslim. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur ce sujet. Wa dhakara ibn al-Mulaqqin rahimahullah أن هذا الحديث يستفاد منه تقديم الفطر على الصلاة. Ibn al-Mulaqqin, il cite aussi, rahimahullah, que parmi les leçons profitables de ce hadith, le fait que nous allons rompre le jeûne avant la salat, salat al-Maghrib. Rompre le jeûne avant Salat al-Maghrib. Wa qala aydan fihi aydan al-hathu 'ala ittiba'i sunnah wa tarki mukhalafatiha wa anna fasada al-umuri bi tarkiha. Il dit aussi Ibn al-Mulaqqin rahimahullah. Il dit et il y a aussi dans ce hadith le fait d'inciter à suivre la sunna et de délaisser tout ce qui contredit celle-ci. Car certes, la corruption des choses se fait par le fait de délaisser la sunna. Les choses deviennent corrompues lorsque nous délaissons la sunna. وهذه فائدة عظيمة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أي لا يزال الناس بخير ما طبقوا السنة وتمسكوا بها فمن أراد الخير فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et ceci est une très grande leçon que nous pouvons tirer de ce hadith. Une leçon qui est prise de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ne cesseront d'être dans un bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. C'est-à-dire les gens ne cesseront d'être dans un bien tant qu'ils appliqueront la sunna et s'accrocheront à celle-ci. Celui donc qui veut le bien, alors qu'il s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وذكر العلماء أيضا أن هذا الحديث فيه الرد على الشيعة الذين قالوا بتأخير الفطر إلى أن تظهر النجوم. Et donc, il y a aussi, les savants, ils ont dit qu'il y a aussi dans ce hadith une réplique contre les Shia, ceux qui disent qu'il faut retarder la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles. Ils disent qu'il faut retarder la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles. وزعم بعض الشيعة أن هذا مروي عن بعض آل البيت. Et certains chiites, ils ont prétendu que cela est rapporté de certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont prétendu que cela était rapporté, donc le fait d'attendre la rupture du jeûne jusqu'à ce qu'apparaissent les étoiles, cela, selon eux, a été rapporté de certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal muradu bi alil bayt indahum Ali wa Fatima wal Hasan wal Hussein wa baqiyatul a'imma alladhina yaqtaduna bihim fi za'mihim. Et ce que les chiites, ils veulent dire par le mot alil bayt, les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils veulent dire par là, c'est Ali ainsi que Fatima, El Hassan et El Hussein, radiallahu anhum, ainsi que les autres imams que les chiites prétendent suivre. Et donc ils ne font pas rentrer donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ahlul Bayt, ainsi que d'autres compagnons qui font partie de Ahlul Bayt. Ils ne les font pas rentrer donc dans cela. وأنتم تعرفون أن الشيعة أكذب الناس يكذبون في الأسانيد فما بالكم بالأحاديث أو الآثار التي رواها دون إسناد. Et donc vous connaissez, vous savez très bien, vous savez pertinemment que les Shia sont les plus grands menteurs. Ce sont eux qui mentent le plus. Ils mentent même dans les chaînes de transmission. Alors, que dire de hadith ou de paroles qu'ils nous rapportent sans chaîne de transmission ? وزعم بعضهم أن الرجل إن كان على الأرض وغابت الشمس ظن أن الوقت قد دخل فإن ركب في الطائرة وصعد في السماء رأى الشمس رأى أن الشمس لم تغرب فالأفضل لمن كان على الأرض أن ينتظر قليلا. Et certains d'entre eux, c'est-à-dire donc certains chiites, ils ont prétendu que l'individu, lorsqu'il se trouve sur la terre, à la surface de la terre, et qu'il voit que le soleil s'est couché, il pense que le temps a débuté, c'est-à-dire le temps de la rupture du jeûne, il a commencé, et donc que le temps du jeûne est terminé. Il pense que ça y est, c'est bon, il peut rompre. Mais s'il monte dans un avion, tout de suite après, il monte dans un avion, et que cet avion décolle jusqu'à arriver dans le ciel, alors cet individu verra le ciel, et excusez-moi, cet individu verra que le soleil ne s'est pas couché. Et donc ce qui est mieux pour celui-ci, celui qui est sur la terre, c'est d'attendre un peu. D'attendre un peu afin justement d'être sûr que le soleil soit couché. وهذا الاستدلال في الحقيقة دليل على جهل عظيم وتعصب شديد. Et en réalité, cette parole que la personne va utiliser comme preuve, cela montre clairement une ignorance profonde et un fort suivi aveugle. فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مسلمين وكفارا يعرفون أن غروب الشمس يختلف من مكان إلى مكان. Car certes, tout le monde, tous, musulmans et incroyants, ils savent que le coucher du soleil est différent d'un endroit à un autre. فإن غروب الشمس في فرنسا ليس كغروبها في الجزائر أو مارتينيكا. Car certes, donc, le coucher du soleil en France ne se fait pas au même moment que le coucher du soleil en Algérie ou en Martinique. كذلك وقت غروب الشمس على الأرض ليس كوقت غروبها في السماء لمن كان في الطائرة. De la même façon, le temps du coucher du soleil sur la terre, le moment du coucher du soleil sur la terre, n'est pas le même que celui dans le ciel, pour celui qui est dans un avion. إذا من غابت الشمس عنده سن له التعجيل سن له تعجيل الفطر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, celui qui se trouve à un endroit où le soleil s'est couché, il lui est donc recommandé de s'empresser de rompre le jeûne, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadith al-Ashir, le dixième hadith dans ce sous-chapitre. An Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Le dixième hadith selon Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la nuit vient de là-bas et que la journée s'en va par là-bas et que le soleil s'est couché, alors le jeûneur a rompu. Le jeûneur a alors rompu. أي إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب حل للصائم الفطر أو انتهى وقت صيام الصائم وإن لم يأكل شيئا. C'est-à-dire que lorsque la nuit elle vient en direction de l'est et que la journée s'en va en direction de l'ouest, alors il est permis au jeûneur de rompre. Ou alors, le temps du jeûne est terminé pour le jeûneur, même si celui-ci n'a pas mangé. Même s'il n'a pas encore mangé, son temps de jeûne est terminé. ذكرت العلماء من فوائد هذا الحديث حلول وقت الإفطار بغروب الشمس وإن كان ضياء النهار باقيا. Les savants les ont cités parmi les profits de ce hadith le fait, donc le début du temps de la rupture, le début du temps de la rupture du jeûne par le coucher du soleil, même si la lumière du jour reste présente. Parfois, certains ils vont se poser cette question. Ils voient donc que c'est l'heure du Maghreb. Mais ils ont peur de rompre. Pourquoi ? Parce qu'ils voient encore la lumière du jour. Ils voient encore la lumière du jour qui est apparente. Les savants, ils disent, ce hadith, il montre que le temps de la rupture du jeûne commence par le coucher du soleil, même si la lumière du jour est encore présente. وجاء في صحيح مسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. Et donc il a été cité dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la nuit arrive et que la journée s'en va et que le soleil a disparu, Alors le jeûneur a rompu. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله فإن غربت الشمس ولم نرى إقبالا ولا إدبارا فهذا إن أمكن وإلا فالعبرة بغروب الشمس فيكون إقبال الليل وإدبار النهار علامة على الغروب أو على قرب الغروب. Le très savant Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il nous dit, si donc le soleil s'est couché, mais que nous n'avons pas vu la nuit arriver et la journée s'en aller, et donc une journée qui était très sombre, pas beaucoup de lumière, etc., plusieurs raisons qui font que on n'a pas vu cela. Et donc il nous dit, le cheikh, ça c'est s'il est possible de voir l'arrivée de la nuit, la disparition de la journée, etc. Mais ce qui est pris en compte, c'est le coucher du soleil. C'est le coucher du soleil qui est pris en compte. Et donc à ce moment-là, l'arrivée de la nuit et la disparition de la journée sont des signes montrant le coucher du soleil, ou des signes montrant le moment, le fait que le coucher du soleil approche. Ce sont des signes qui montrent le coucher du soleil, ou alors qui montrent que le coucher du soleil approche. Et ensuite, il continue en disant « Walakin al-madar kullahu ala al-ghurub ». Cependant, tout tourne autour du coucher du soleil. C'est ce qui est le plus important, le coucher du soleil. سؤال متى يفطر الصائم اذا كان في الطائره. Et donc une question. Le jeûneur qui se trouve dans un avion, quand est-ce qu'il va rompre le jeûne? Quand va-t-il rompre le jeûne? Cheikh Ibn Uthaymeen qui pose cette question et qui apporte la réponse, il dit al-jawab. In rabat ash-shams qabla an taqum at-ta'ira ثم ارتفعت الطائرة فرأى الشمس فليبقى على إفطاره لأن يومه قد انقضى حتى لو لم يفطر لأنه إذا غابت الشمس أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكل أو لم يأكل. Et donc la réponse, il dit, rahimahullah, si le soleil se couche avant que l'avion ne décolle, le soleil se couche avant que l'avion ne décolle, puis l'avion décolle. Et une fois arrivé dans le ciel, la personne, elle voit le soleil. Elle voit que le soleil est encore présent, il ne s'est pas couché. Alors la personne, elle reste dans sa rupture du jeûne. Elle a rompu le jeûne, elle reste dans sa rupture. Elle a rompu le jeûne avant de décoller. Elle a décollé, elle voit encore le soleil. Elle reste dans son état de rupture du jeûne. Pourquoi? Parce que son jour, il est terminé. Son jour, il est terminé. Son jour de jeûne est terminé à partir du moment où le soleil, il s'est couché quand la personne était par terre, au sol. Même si cette personne, en réalité, elle n'a pas rompu le jeûne en mangeant. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil se couche, alors le jeûneur a rompu. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si cette personne ait mangé ou pas. Et ensuite il continue, rahimahullah. Wa amma idha qamat at-ta'iratu qabla an taghrub ash-shamsu wala bi qalil. ثم لما ارتفعت وإذا بالشمس مرتفعة فهنا لا يفطر حتى يرى غروب الشمس حتى ولو استمر 24 ساعة ما دام يشاهد الشمس وستغيب وإذا كان يريد أن يفطر فهو مسافر. Et ensuite le cheikh rahimahullah, il continue en disant: mais par contre, Si l'avion décolle avant que le soleil ne se couche, même si c'est de quelques minutes, quelques instants, l'avion a décollé avant que le soleil ne se couche. Puis la personne, elle voit dans le ciel que le soleil, il est encore bien là. Il ne s'est pas couché. Alors là, la personne, elle ne rompt pas son jeûne. Elle ne rompt son jeûne tant que le soleil ne s'est pas couché. Même si cela continue 24 heures. Tant que la personne, elle voit le soleil, elle ne rompt pas. Mais le soleil va se coucher. Et ensuite, il dit, rahimahullah, il dit, mais si la personne, elle veut rompre son jeûne, si elle veut rompre son jeûne, alors qu'elle voit le soleil, alors là, la personne, elle est en voyage. Elle peut rompre son jeûne. Elle est en voyage, mais elle va devoir rattraper ce jour de jeûne. Wa fi hadha al-hadith, aydan raddun ala shi'a, alladhina qalu bi ta'khir al-fitr. Et bien entendu, il y a aussi dans ce hadith une réplique aux shi'a qui disent donc qu'il faut faire retarder la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais finir le sous-chapitre. Il nous reste juste un hadith pour finir le sous-chapitre. C'est pas grave, on prendra ce hadith la semaine prochaine. Bi-idhnillahi ta'ala. Et la semaine prochaine, on commencera avec le nouveau sous-chapitre. Bi-idhnillahi ta'ala. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayran.